On est là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est un sujet qui est extrêmement intéressant parce que il rencontre la démocratie, la technologie, la vitesse de l'information et puis évidemment le nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner sous nos yeux avec toutes les conséquences que ça a. Ce terme même de lanceur d'alerte est un terme extrêmement récent. En gros, il apparaît dans les années 90, moins de 20 ans. Il est mis au point par deux sociologues, qui sont François Château-Renaud et Didier Faury, en 1999. Donc vous voyez qu'en termes de recul, on a très très peu de recul encore sur cette notion de lanceur d'alerte, sur ce qu'elle veut dire, sur ce qu'elle recoupe. Et puis, on a beaucoup de confusion, même dans la définition du mot lanceur d'alerte, entre des personnes qui ont pu, à un moment de l'histoire, pousser un coup de gueule, crier, s'indigner, tenter de se faire entendre, et qui souvent n'y ont pas réussi. Alors, si on regarde les cas des 50 dernières années, en gros depuis la Seconde Guerre mondiale, on voit bien qu'il y a des gens qui se sont heurtés à un mur. Vous connaissez tous sans doute, ou avez tous entendu parler de l'histoire de Jean Karski, qui est un résistant polonais, qui va voir Roosevelt, qui raconte la situation exacte du ghetto de Varsovie, et on ne l'écoute pas à Washington. C'était fin 1942, et il a fait un deuxième voyage en 1943. On sait tous que la presse américaine, le gouvernement américain, avait, à partir de la mi-43, l'ensemble des informations sur ce qui se passait dans les camps de concentration. Et pourtant, rien n'est sorti. Il y a même un livre qui a été fait sur ce sujet, qui s'appelle, et qui est un livre avec un titre d'ailleurs terrifiant, puisque ça s'appelle « Relégué en pachette ». Et c'est un livre qui raconte comment le New York Times, qui pourtant appartient à l'élite libérale de la côte Est des États-Unis, à une grande famille démocrate d'origine juive, et pourtant le New York Times ne publiera pas l'information sur les camps de concentration pour des raisons que ce livre explique très bien. Mais on voit bien donc que les mécanismes ne sont pas toujours simples à se mettre en place. Et puis, il y a des exemples plus récents. Vous avez l'abbé Pierre, en 1954, qui pousse un cri sur les mal logés. Là, au contraire, il est très entendu. Vous avez René Dumont, qui en 1961 pousse son célèbre « L'Afrique est mal partie » et qui ne sera pas beaucoup entendu, lui. Vous avez Vaclav Havel, qui en 1977 lance avec ses amis la charte 77 et qui, elle, sera très entendue et qui, après, entraînera évidemment un bouleversement géopolitique dans toute l'Europe centrale et orientale. Donc on voit bien que aujourd'hui, la situation n'est pas très claire sur ce qu'est un lanceur d'alerte, sur sa fonction, et donc sur la question qui nous est posée aujourd'hui, sur comment on va les protéger. Parce qu'il est clair, et on va y revenir, que la situation aujourd'hui des lanceurs d'alerte n'est pas terrible. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faut aussi vous dire que ce que je vais vous livrer sont des éléments à la fois d'information, de réflexion, et que c'est pour vous, j'espère, dans les prochains mois, des axes de travail. Il est en effet très important que l'ensemble des gens qui s'opposent à la mainmise des États sur nos libertés publiques, mais qui s'opposent aussi à la mainmise du capitalisme sur nos États, parce que vous allez le voir, les deux phénomènes sont liés, se mobilisent, parce que sinon, nos libertés publiques, et donc nos libertés individuelles, seront très fortement menacées. Elles le sont déjà dans un certain nombre de pays du monde, et qui sont des pays qui nous sont proches. Je parle de la Grande-Bretagne, je parle de l'Australie et je parle bien entendu des États-Unis. Alors on va revenir un petit peu en arrière et puis on va paraphraser Edward Snowden dont on va parler tout à l'heure. Pendant que vous écoutez ceci, le gouvernement en prend note. C'est une phrase qu'il faut toujours avoir en tête. Edward Snowden, vous-même, devons développer aujourd'hui un certain degré de paranoïa. Il faut savoir que l'ensemble de nos communications électroniques, l'ensemble de vos communications électroniques, quelle qu'en soit la nature, un SMS, un message, une photo sur Facebook, un mail, etc., une intervention évidemment sur un site, sur un forum, ou tout autre commentaire posté, laisse des traces. Et qu'aujourd'hui, à partir du croisement de ces traces, on va établir votre profil. Et qu'aujourd'hui, puisqu'on va le voir, les géants du web et de la téléphonie collaborent très largement avec les services d'espionnage et avec les services secrets, et ben en gros, tout ce que vous faites est traçable. Alors, évidemment, on peut se dire, il y a des tas de choses qu'on fait sur son ordinateur, c'est pas très grave. Quand on va commander à la Redoute, c'est pas forcément un gros problème que la NSA soit au courant de nos commandes à la Redoute. Quand on fait un acte politique, quand on fait un acte militant, c'est évidemment beaucoup plus problématique. Et donc, puisque le gouvernement en prend note, on va regarder un petit peu comment les différents lanceurs d'alerte, ces derniers mois, ont agi. Alors, je voudrais partir de quelqu'un qui s'appelle Irène Frachon. Vous connaissez tous, évidemment, vous avez tous entendu parler d'Irène Frachon, médecin, qui, en 2008, révèle le scandale du Mediator. Alors, un mot sur le scandale. Elle est pneumologue, hein, elle est chef du service de pneumologie du CHU de Brest. Pour la petite histoire, parce que c'est pas totalement, c'est pas une excité. Son mari est polytechnicien, il construit des vaisseaux militaires, il travaille pour l'arsenal de Brest. Donc vous voyez que vous n'êtes pas au cœur des frondeurs ou que vous n'êtes pas face à des dangereux utopistes. Mais Irène Frachon travaille sur un problème qui préoccupe beaucoup les pneumologues, qui sont les problèmes d'irrigation, évidemment, et de danger d'embolie. Or, elle s'aperçoit qu'un certain nombre de patients qui sont traités avec le Mediator rencontrent des problèmes de valves cardiaques et donc des problèmes d'irrigation des poumons, et que ça peut entraîner évidemment des ce qu'on appelle les valvopathies, c'est-à-dire des maladies qui sont malheureusement mortelles. Elle établit qu'il y aura que le Mediator, le médicament qui provoque ces valvopathies, qui est produit par les laboratoires Servier, a provoqué probablement la mort de 500 personnes. C'est donc quelque chose d'assez considérable. Et qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? D'abord, il faut faire une parenthèse. Vous avez peut-être vu ces tout premiers jours de septembre qu'un des procès du laboratoire Servier était en cours au civil. Mais il faut bien vous préciser que c'est qu'une des procédures en cours, probablement la moins importante, puisque le procès pour tromperie et escroquerie fait l'objet de rejets en nullité sur lequel va statuer la Chambre de l'instruction de Paris le 20 novembre prochain. Si elle statue favorablement, le procès aura lieu plutôt en 2018. Donc on voit bien que ce temps judiciaire est beaucoup plus long, évidemment, que le temps politique. Quel bilan politique tire Irène Frachon aujourd'hui de son expérience? Elle tire trois leçons. Je vais vous lire quelques phrases qu'elle a dites très récemment. D'abord, sur le déni. Pour le Mediator, le milieu médical est toujours dans le déni du crime et de ses conséquences. La majorité des cardiologues, rhumatologues et diabétologues sont encore derrière Servier. Plus généralement, mes confrères pensent en toute bonne foi qu'ils peuvent collaborer avec les labos. La collaboration, c'est cette idée qu'en temps de crise, face à un puissant qui prend le pouvoir, là c'est l'industrie, il n'y a pas d'autre choix. Les médecins pensent qu'ainsi, ils gardent la main sur l'innovation thérapeutique. Quelle illusion! Ils n'ont toujours pas compris que le pouvoir médical a été capté par l'industrie et ne leur appartient plus. Cette première leçon d'Irène Frachon est très importante. Parce qu'en gros, elle nous dit qu'il y a des règles qui n'existent plus et qu'il va falloir refonder. Deuxième leçon d'Irène Frachon, on lui demande quel garde-fou faut-il mettre en place? Elle répond: la transparence est essentielle et doit être totale. Tous ces liens étaient très opaques avant le Mediator. Depuis, on a fait un pas avec la publication sur Internet des avantages, voyages, repas, cadeaux, octroyés par les industriels aux professionnels de la santé. On en aura fait un autre après le vote du projet de loi santé de Marisol Touraine, quand seront publiés les montants des conventions. On saura alors combien tel médecin, touche pour siéger au conseil scientifique de tel laboratoire. Les associations de patients très courtisés devront être soumises à la même transparence. Donc on apprend de la bouche même d'Irène Frachon que plus de 7 ans après le scandale du Mediator, alors que Jean Servier est mort par ailleurs, les règles de transparence ne sont toujours pas établies entre les labos pharmaceutiques et les médecins. Et on apprend même qu'une partie des médecins considère, c'est ce qu'elle nous dit en creux, qu'Irène Frachon, d'une certaine manière, en mettant les pieds dans le plat, a craché dans la soupe. Alors, on lui demande à Irène Frachon, le terme de lanceur d'alerte est-il approprié pour vous ? Elle nous répond, je ne me suis pas levé un matin en disant que j'allais dénoncer l'industrie pharmaceutique. J'ai en réalité simplement fait mon travail, puisque la pharmacovigilance, dénoncer les effets secondaires des médicaments, est une obligation des médecins. Le problème, c'est que beaucoup ne le font pas. Vous êtes, à travers ces trois citations d'Irène Frachon, au cœur de notre débat. Deux autres exemples très contradictoires pour réfléchir avec vous à ce que c'est qu'un lanceur d'alerte aujourd'hui, à la lumière du cas d'Irène Frachon et de ces deux cas dont je vais vous parler. Ces deux affaires qui vont nous faire réfléchir, puisque Irène Frachon nous dit « j'ai fait mon travail ». Le premier cas, je pense que vous n'avez pas entendu parler, c'est un cas d'un marin anglais, un sous-marinier, qui s'appelle William McNally. William McNally est en prison, dans son pays, la Grande-Bretagne, depuis le 19 mai dernier. C'est un garçon de 25 ans qui a mis la main, dans le cadre de ses fonctions de sous-marinier, sur des rapports de l'état-major de la marine britannique qui pointent 30 failles graves ou graves aux yeux de ce sous-marinier, puisque vous et moi ne sommes pas capables de juger de la gravité exacte des failles des sous-marins nucléaires. Néanmoins, nous sommes capables de nous dire que s'il y a des problèmes sur les sous-marins nucléaires britanniques, qui sont au large de nos côtes, en partie, dans la Manche, c'est quand même peut-être un problème. Eh bien, il a été arrêté. Il est en prison militaire depuis le 19 mai dernier. Et il a dit, au moment où il s'est rendu, qu'il avait tout sacrifié afin d'avertir la population et le gouvernement. Vous êtes ici, dans l'histoire de ce garçon de 25 ans, au cœur de ce qui est la démarche, au fond, des lanceurs d'alerte aujourd'hui. D'abord, le sacrifice. Je vais me sacrifier pour quelque chose auquel je crois. C'est très important parce que aujourd'hui, dans les entreprises, la plupart du temps, à coup de contrats, de clauses de confidentialité, de chantage parfois, Stéphanie Guibaud le raconte très bien, c'est une fille de l'UBS, elle le raconte très bien dans le numéro de la chronique dont vous avez les photocopies là-bas, de chantage. On essaye de vous faire croire à l'intérêt supérieur de l'entreprise sur l'intérêt des concitoyens et de la société en général. C'est un changement qui est extrêmement important et qui fait que sur la population, sur les salariés, sur les marins, on fait peser une pression considérable. Donc cette idée de sacrifice, elle est que je vais me sacrifier pour l'intérêt commun. Deux, évidemment, la population. Vous et moi, nous ne sommes pas des citoyens britanniques, mais nous avons nos propres failles dans un certain nombre de systèmes français, avons le droit de savoir quel est l'état exact, par exemple, de nos sous-marins, par exemple, de nos centrales nucléaires. C'est quelque chose de très concret, les centrales nucléaires. Un pays qui nous est assez proche, géographiquement, qui est la Bulgarie, qui est aux portes de l'Europe, les centrales nucléaires bulgares, qui sont du modèle et de l'époque de Tchernobyl. Donc je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais chacun sait à quel point Tchernobyl était une centrale fiable. Eh bien, les deux centrales nucléaires bulgares ont été privatisées il y a 4 ans maintenant et appartiennent à un consortium dans lequel la mafia bulgare contrôle l'essentiel des intérêts. Donc, en gros, nous avons donné 2 centrales nucléaires à la mafia bulgare. Alors, évidemment, en Bulgarie, de très nombreuses associations de citoyens ont protesté contre cette vente à des intérêts privés d'instruments de souveraineté de l'État que peuvent être effectivement des centrales qui produisent de l'énergie. Mais néanmoins, leurs protestations ne sont pas arrivées jusqu'à nous. Pas plus que les protestations du marin McNally, je fais attention à son nom, ne sont arrivés également jusqu'à nous. Et pourtant, c'est de l'autre côté de la Manche, et la prison dans laquelle il est se trouve du côté de Douvres. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très proche de chez nous. Autre exemple, évidemment beaucoup plus compliqué, problématique, mais qui pour nous permet de réfléchir à toutes les dimensions de ce sujet des lanceurs d'alerte, c'est l'exemple des 2 journalistes français, Éric Laurent et Catherine Gracier. Je suis incapable de vous dire, et peu de personnes peuvent le dire aujourd'hui, s'ils sont tombés dans un piège, s'ils ont fait un chantage. Je ne connais évidemment pas la nature des révélations qu'ils s'apprêtaient à faire sur le palais royal et les modes de gouvernance du Maroc aujourd'hui. Je sais simplement qu'ils avaient évalué le prix de ces révélations à 3 millions d'euros. Bon, les faits sont quand même assez accablants. On va attendre l'instruction, comme toujours. Mais on peut dire que déjà, il y a deux choses qui ressortent de cette affaire. Un, que le palais royal exulte à Rabat, puisque la presse est quand même sa bête noire. Donc, une presse qui est prise la main dans le sac, c'est quand même pas très bon. Et deux, l'opinion publique ou une partie de l'opinion publique française qui considère, à plus ou moins juste titre, on le nuancera dans le débat sans doute, que la presse est pourrie, en a une illustration malheureusement éclatante. Mais ça pose aussi une question qui est une question de fond, qui est la question aujourd'hui très importante de valeur de l'information. L'information aujourd'hui est une marchandise qui excite à la fois l'appétit des États et l'appétit des grands groupes. On y reviendra dans la troisième partie. Mais ces grands groupes-là sont en train de prendre, d'une certaine manière, le contrôle de l'information. Et donc, cette valeur-là de l'information contribue ou pas au fait que les journalistes pourront enquêter ou pas. Et là-dessus, évidemment, pour des raisons qui lui appartiennent, qui leur appartiennent, pour des raisons de faiblesse humaine, peut-être, j'en sais rien, pour des raisons de difficultés personnelles, peut-être. Enfin bon, Éric Laurent et Catherine Gracier sont très certainement tombés dans quelque chose qu'on peut considérer comme une faiblesse. Mais ça nous fait poser la question suivante. Que serait-il arrivé à Snowden s'il avait tenté de vendre les informations qu'il a livrées à la presse internationale et notamment au Guardian? S'il avait tenté de vendre ces informations à la Maison-Blanche, est-ce qu'il aurait eu de l'argent? Est-ce qu'il aurait eu une balle dans la tête? C'est ces questions qu'il nous faut poser aujourd'hui. Est-ce qu'il aurait été jeté en prison, comme Bradley Madling, pour 35 ans, au minimum? Bref, si on prend le petit marin britannique qui est en tôle, si on prend les deux journalistes français qui sont au minimum pour l'instant déshonorés, si on prend Edward Snowden, qui vit en exil à Moscou, pour 3 ans, peut-être moins, peut-être plus. Qu'est-ce que réserve aujourd'hui la Russie à Edward Snowden? On n'en sait rien. On se dit franchement, c'est pas terrible. Et on dit que ce résultat d'étape aujourd'hui, là où nous en sommes, là où en sont les lanceurs d'alerte, malgré la puissance des révélations qu'ils ont livré à l'opinion ces dernières années, eh ben, leur situation n'est pas tellement enviable. Évidemment, là, on rejoint, et on en parlera tout à l'heure, des préoccupations d'Amnesty. Mais pas seulement. Ça va bien au-delà. Et pour le comprendre, il faut revenir en détail sur le cas de Snowden lui-même. Je suppose que beaucoup d'entre vous, enfin j'espère, ont vu le film de Lara Poitras sur Snowden. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film assez extraordinaire parce qu'il nous montre ce film, un garçon de 32 ans, en t-shirt, dans une chambre d'hôtel, je ne sais pas, du genre Novotel, enfin, de Hong Kong, avec deux journalistes britanniques du Guardian, ou travaillant plus exactement pour le Guardian, et on a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire dans son petit ordinateur portable, le même que celui que vous et moi nous avons, il y a la toute-puissance de la NSA. Et face à lui, il a deux journalistes qui notent sur des cahiers avec des crayons, et une caméraman en l'occurrence, c'est Lara Poitras, qui filme exactement comme notre ami au fond de cette salle. Donc on voit bien que face à cette puissance de la NSA, Snowden va livrer des choses extrêmement importantes. Il faut dire aussi que la mythologie, auquel nous avons tous participé, a construit une image de Snowden qui n'est pas tout à fait exacte. On nous l'a présenté comme un petit informaticien un peu indigné. En réalité, pas du tout. Snowden est a d'abord été un agent de la CIA. Il a été tellement un agent de la CIA qu'il a été en poste pendant 2 ans, de mars 2007 à février 2009, à la mission de la CIA auprès des Nations Unies à Genève. Donc c'est un homme de terrain. Il sait très bien comment travaille la CIA. Il a d'ailleurs raconté, dans ses nombreuses interviews et prises de parole publiques, comment des agents de la CIA avaient tenté de faire boire des banquiers suisses pour les faire parler sur les nouvelles conventions fiscales qui se préparaient entre les États-Unis et la Suisse. Et donc, il a été, d'une certaine manière, dans un petit service action de la CIA. Donc c'est pas du tout un garçon qui était juste derrière les ordinateurs à faire du code ou du calcul. Il avait évidemment une grande compétence informatique, puisque quand il a quitté la CIA, il est rentré à la NSA, qui est l'agence des coûts des États-Unis, où il est devenu ce qu'on appelle administrateur système. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui ont travaillé dans l'informatique ici, mais administrateur système, si j'ose dire, c'est comme son nom l'indique. C'est quelqu'un qui administre des systèmes. Et donc, c'est quelqu'un qui a une fonction centrale dans la vie d'une entreprise, puisque en connaissant le système, en gérant le système, il fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Et pour la NSA, administrateur système, c'est quand même quelque chose d'important, puisque la rémunération annuelle d'Edward Snowden était à l'époque de 200 000 dollars. Donc, à peu près, 150 000 euros. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, aux États-Unis comme en France, 150 000 euros, à 30 ans, c'est un très bon salaire. Ça indique bien que cette idée qu'on a voulu faire passer Snowden pour un petit maillon de la chaîne est fausse. Snowden était, au contraire, au cœur du système. Et qu'est-ce qu'il a dit, Snowden ? Qu'est-ce qu'il a dit en 2012, quand il commence à sortir ses révélations? Je suis prêt à sacrifier tout cela, donc les 200 000 dollars. Le fait aussi, puisque, pour ceux qui sont dans l'informatique, quand vous êtes administrateur système, le truc formidable, c'est que vous pouvez gérer n'importe quoi à distance. Donc Snowden n'était même pas obligé d'aller au bureau, quelque part, au siège de la NSA en Virginie. Il habitait et travaillait à Hawaï. Donc il avait une vie vraiment très agréable, à Hawaï, 200 000 dollars, etc., etc. Donc il nous dit « Je suis prêt à sacrifier tout cela parce que je ne peux, en mon âme et conscience, laisser le gouvernement américain détruire la vie privée, la liberté d'Internet et les libertés essentielles des gens du monde entier avec cet énorme système de surveillance qu'il est en train de bâtir secrètement. » Cet énorme système de surveillance qu'il est en train de bâtir secrètement. Alors, je ne suis pas du tout compétent pour vous faire un cours ou une conférence sur la portée et la manière dont fonctionne cet énorme système de surveillance. Ce que je peux vous dire, c'est quelques chiffres. Ce système, il s'appelait Prism. Il y a eu des variantes qui se sont appelées Tempora ou Fairview. Il permet, grâce à un programme qui lui-même s'appelle XKscore et qui dispose de 700 serveurs à travers le monde, répartis sur 150 sites, dont au moins 2 en France, au moins 2 en France. Je n'aurais pas à vous dire où c'est, mais ils sont quelque part, peut-être dans les sous-sols inférieurs de la mairie de Versailles, peut-être à côté. Bon, il y en a 2 en France. Et c'est donc 700 serveurs répartis dans 150 sites à travers le monde. Alors, il faut que je vous dise que ça correspond à peu près à la puissance de calcul aujourd'hui de Google. Hein ? Google étant considéré aujourd'hui, compte tenu évidemment de sa puissance, comme le premier utilisateur de serveurs au monde. Donc la NSA est à peu près au niveau de Google, grâce à ce programme XKscore. Et donc, ça leur permet de surveiller Internet, les messageries, les appels, enfin tout, quoi. Et des milliards, je dis bien des milliards, puisque sur certains jours, on parle de 67 milliards. 67 milliards de données quotidiennes. Alors évidemment, le fait d'analyser ces données quotidiennes ne veut pas dire que, madame, toutes vos conversations vont être décryptées, mises en fiche et tout, mais que nous allons croiser vos conversations avec vos mails, avec vos activités Internet, avec vos coups de fil, les endroits où vous appelez. Je vais prendre une hypothèse très simple. Vous avez de la famille Hongrie. Vous appelez en ce moment souvent les Hongrois. Vous regardez, parce que vous intéressez à l'actualité, beaucoup d'informations sur différents sites, sur la question des réfugiés. Vous avez signé peut-être une pétition d'Amnesty ou assisté à un forum sur la question des réfugiés, ou pire encore, vous allez manifester tout à l'heure, quand on sortira d'ici, contre l'extrême droite de Versailles qui ne veut pas des réfugiés dans cette bonne ville. C'est ces données-là qui, à un moment, vont allumer une petite lumière dans les centres serveurs dont je viens vous parler. Donc probablement, peut-être dans les... On est une quarantaine peut-être dans cette pièce. Peut-être aucun d'entre nous n'ont jamais été surveillé, mais peut-être 10 d'entre nous ont été surveillés. 2, 5, on n'en sait rien. Ces milliards de données, c'est ça qui est intéressant. Les révélations de la NSA sont proprement stupéfiantes. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, elles ont été distillées par petits bouts, mais... On a surveillé évidemment des citoyens, on a surveillé des chefs d'État. Vous avez vu cet été les révélations sur les écoutes de Chirac, de Sarkozy et de François Hollande. On a surveillé des ambassades, évidemment. On a surveillé des universités, beaucoup. Beaucoup d'universités. Or, chacun sait aujourd'hui que, et d'ailleurs on peut s'en réjouir, que l'université est probablement aujourd'hui, avec les radios publiques d'État, un des rares lieux de débat démocratique ouvert. Hein ? Donc on surveille des universités. On a surveillé évidemment des cybercafés. Bref, de cette affaire Snowden, de cette énorme machine, de ces révélations qui ont concerné des pays du monde entier, enfin, on a eu des conséquences en Colombie, au Brésil, évidemment en Nouvelle-Zélande et en Australie, puisque évidemment en Grande-Bretagne, puisque la Grande-Bretagne a été très largement associée à la mise en point de ce programme PRISM, et probablement à la gestion des serveurs de XQScore. Donc on voit bien que là, il y a eu quelque chose de très important. Donc en gros, sans les hiérarchiser forcément, on peut tirer 5 leçons de l'affaire Snowden. La première leçon, c'est l'implication totale du pouvoir politique. Donc les politiques ne peuvent pas nous dire, comme ils nous le disent tous, on ne savait pas. Barack Obama a signé une directive qui a été révélée par Edward Snowden qui donne tout pouvoir à la NSA pour surveiller n'importe quel citoyen du monde et pas seulement les citoyens américains à travers le monde. Ça, c'était en octobre 2012. L'implication du pouvoir judiciaire. La NSA a obtenu, très discrètement, en 2008, l'accord de ce qu'on appelle la FISA courte qui autorise toute écoute et interception, je cite entre guillemets, de contenu de communication, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mail, coup de fil, SMS, etc., sur le plan mondial, je cite toujours la FISA courte en 2008, sans l'autorisation préalable d'un juge, comme c'était le cas depuis 1978. Donc un des derniers verrous, qui était que pour écouter quelqu'un à partir du territoire américain, ça ne veut pas dire qu'on le faisait malgré tout, mais qu'en tout cas, théoriquement, il fallait l'accord d'un juge, ce verrou-là, il a sauté dès 2008. La FISA est très importante aux États-Unis, la FISA courte, puisque c'est une cour qui a pour mission de surveiller et de superviser les activités du FBI, de la CIA et de l'NSA. Son poids politique est tellement important, avec des juges désignés, comme pour la Cour suprême, par la présidence, le Sénat et la Chambre, qu'on l'appelle la Cour suprême bis. Or, cette Cour suprême bis, chargée de défendre le droit, chargée de défendre la sécurité des citoyens, chargée aussi de défendre les citoyens, puisque vous et moi, si nous étions américains, nous pourrions, comme dans la future commission, on en parlera tout à l'heure, que nous promet Manuel Valls, le Premier ministre, nous pourrions aller faire recours en disant « Je suis écouté à mon corps défendant et je trouve que c'est anormal ». Sauf que, madame, il faudra que vous l'argumentiez. Ça sera à vous de faire la preuve que vous n'êtes pas une dangereuse terroriste, une trafiquante de drogue, une ou je ne sais quoi, enfin quelque chose. d'illicite, en tout cas. Donc, évidemment, c'est compliqué, hein, de faire la preuve de ça. Et puis, est-ce qu'on en a envie? Est-ce qu'on a envie d'aller se justifier sur des activités qui sont des activités de citoyens? Enfin, il y a peut-être des terroristes dans cette salle, mais je n'en suis pas sûr. Donc, nous avons des activités de citoyens, tous, comme beaucoup de citoyens, dans beaucoup de secteurs et dans beaucoup de domaines. Donc, agrément du pouvoir politique aux États-Unis, octobre 2012, pour ce qu'on en sait des révélations de la NSA, probablement avant. Agrément de la FISA courte en 2008.